بسم الله الرحمن الرحيم سئل سماحة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى ما هو التعالم وما نصيحتكم للشباب المفتون بالمتعالمين التعالم on va voir dans la réponse du Cheikh inshallah ta'ala lakin un bref aperçu pour comprendre awalan ce sujet at-ta'alum c'est une personne elle croit qu'elle a du ilm mais elle a pas d'ilm enfin ils ont demandé une nasiha à Cheikh pour les jeunes qui suivent haoula et كذلك une nasiha à haoula al-muta'alimi qala hafidhahu Allah at-ta'alum idda'u al-ilm prétendre avoir du ilm alors que cette personne elle n'a pas d'ilm ça s'appelle ta'alum et on l'appelle muta'alim qala anna al-insan yad'i al-ilm wa huwa laysa bi'alim lam yasbaq lahu an talaqqa al-ilm 'an al-ulama hadha al-shakhs il prétend avoir du ilm il prétend faire da'wa ila Allah lakin il n'a pas pris ce ilm 'inda ahli al-ulama لأن celui qui veut comprendre هذا العلم على الفهم الصحيح avec la bonne compréhension il veut comprendre ce ilm que Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam le Coran ou le Sunnah sans s'égarer il doit revenir à ces personnes qui ont consacré leur vie لهذا العلم كما قال جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il montre à celui qui ne sait pas, il doit revenir à Ahl al-ilm. C'est ça le lien. Ça te montre que celui qui ne connaît pas, il a une méthode pour avancer. Il lui faut un professeur. Alimun. Qui lui montre ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. La compréhension de telle chose. Délaisser telle chose pour l'instant. Faire telle chose. Lui montrer les priorités. Hatta hada talib, petit à petit, il comprendra hadha al-ilm et lui-même, il pourra partager et pourra faire da'wah et pourra faire profiter les autres bi'idnillahi azza wa jal. Qala wa innama talaqqa al-ilm 'an al-kutub wal-mutala'a faqat. Ba'dhum muta'alim pense qu'il a du ilm, il pense qu'il est capable et fi al-haqiqa il a jamais pris l'ilm 'ind al-ulama. Rubbama il a certaines connaissances, il a lu certains livres seul. Qala Cheikh al-Fawzan wa laysa 'indahu qawa'id 'ilmiyyah. Et ça, c'est important. Les anna al-alim, si tu étudies chez lui, il va te résumer beaucoup de masa'il sous forme de qawa'id. Amma, celui qui étudie tout seul, farubbama, il lit dans un livre, un kalam, d'un grand savant, d'un imam de la sunna, lakin, ce kalam, rubbama, il est muntaqad. D'autres savants, ils ont démontré que, as-sawab, c'était telle chose. Ou, que le kalam du savant, il est haqq. Lakin, cet étudiant, qui étudie seul, il comprend mal le kalam du savant. Amma, s'il étudierait chez un shir, dans les deux cas, si c'est une erreur, le shir, il va lui dire. Cette parole de Cheikh l'Islam, ou de l'imam Malik, ou de l'imam Shafi'i, ou d'autres, il peut lui montrer que ce kalam, c'est pas sawab. Ce savant, rubbama, le hadith, il lui est pas parvenu, rubbama. On trouve des excuses à nos savants et ils sont récompensés même si ils se sont trompés les annahum c'est des mujtahidoun lakin le shir chez lequel tu étudies il va te démontrer as-sawab kada il va te citer la parole d'un autre savant avec des preuves mais ce talib s'il est tout seul qui c'est qui va lui montrer hada ou la compréhension tu lis un livre tu penses que tu as compris dès que tu étudies chez le shir il te montre on a la compréhension de telle chose c'est kada et kada et tu te rends compte que tu avais mal compris lakin avec un savant, si tu te rends compte que tu as mal compris, tu vas te corriger. Lakin tout seul, qui c'est qui va te corriger? Surtout si ce frère, il ouvre les portes et il fait da'wah. Rubbama, il se fait conseiller, il aura beaucoup de mal à revenir. Surtout s'il a un manque de ikhlas. Qala, wa laysa 'indahu qawa'id 'ilmiyya. Al-qawa'id, c'est important. Des qawa'id fil aqida, des qawa'id fil lugha, des qawa'id fil al-usul, fil fiqh. Fait le hadith, fait le tafsir. Tout ça, tu prends un tel alim et ces qawa'id, c'est bimanzilati al-miftah. C'est comme une clé pour toi. Et cette clé, bi'idnillahi azza wa jal, elle va t'ouvrir la porte pour comprendre, pour faire da'wah, pour savoir discerner entre le haqq et le batil, entre le tawhid et le shirk, entre le sunnah et le bid'ah, entre le sahih et al-ghayr al-sahih, entre sawab et le khata, bi'innillahi azza wa jal. Tout ça, bien sûr, en gardant toujours contact avec Ahl al-Ilm. Lakin al-an, le problème, il est dans deux choses. Emma, ce da'i, ou ce prétendu da'i, il n'a pas étudié aslan, et il veut faire du bien. Et nahnu, on ne remet pas en question la niya de quiconque. Lakin, il veut faire le bien, lakin, il n'a pas les outils pour faire le bien. Thaniyan, Rubama, il a étudié, lakin, il a un taqsir avec sa relation avec Ahl al-Ilm. Rubama, il s'avance dans des choses et il ne revient plus à Ahl al-Ilm, au savant de la sunnah, et il se fait du mal, kadalik. À deux choses. Étudier, revenir à la source, ay, Ahl al-Ilm. Thaniyan, rester en contact. Surtout, les masa'il importants. Surtout, عند الفتن. Surtout dans des sujets délicats. Les annas, si on s'avance et on parle à la place de nos savants, on essaye de régler les problèmes et on ne revient pas à nos savants. Enfin, tout ça, ça fera des fitaines. Et c'est exactement ce qu'il se passe. فالحذر الحذر من هذا المسلك. قال الشيخ الفوزان وليس عنده قواعد علمية يبني عليها وإنما يطالع في الكتب ويمشي على فهمه. نعم, il n'a pas de référence et une chose sur laquelle il va s'appuyer, sur laquelle il va revenir بعد توفيق الله عز وجل, pour l'aider, pour lui montrer, pour certaines choses il faut trancher. Là, il a lu certains livres et avec sa compréhension. Les livres, ça ne suffit pas. Tu vas lire un livre, il faut un deuxième, il faut un troisième, il faut beaucoup de choses pour comprendre. Et tu n'as pas le temps de lire tous les livres. Le savant, il t'aide. Le livre que tu lis, et il t'emmène des autres choses. Pourquoi? Parce que ce savant, il a un étal, il a beaucoup d'ilm, il a lu beaucoup de choses. Lui-même, il a pris l'ilm عند المشايخ, et il va te résumer une mas'ala de plusieurs livres. Il va te la résumer peut-être en une phrase. Peut-être il va te la résumer en une nasiha. Amma tout seul, comment tu vas faire? قال وقد يكون ما يخطي فيه اكثر مما يصيب هذا هو حال كثير من هؤلاء ان les erreurs qu'ils font, ils sont plus nombreuses que le bien qu'ils font malgré qu'ils ont une bonne intention. اما celui qui a une mauvaise intention, فنسال الله عز وجل ان يكفينا ويكفي المسلمين شره. اما celui qui a une bonne intention, ربما il va faire du bien dans certains points et il va faire du mal dans d'autres, et on n'a pas le droit de faire de mal. On doit revenir à Ahl al-Ilm, on doit connaître notre place. Celui qui est un étudiant, celui qui est un débutant, celui qui n'a pas étudié, chacun a sa place. Et on revient dans les choses importantes à Ahl al-Ilm. قال الشيخ البوزان المتعالم. Donc maintenant, si vous entendez le متعالم, ça vient de ta'alum. Et celui qui prétend avoir du ilm, il n'a pas d'ilm. وَهُوَ خَطَرٌ عَلَى نَفْسِهِ وخطر على الناس لانه يتلاعب بدين الله. نعم, لانه il est rentré dans une chose qu'il ne comprend pas. Vous allez voir que Cheikh Fawzan va citer un métal طيب avec la médecine. Celui qui rentre dans un domaine, il doit le maîtriser. Celui qui veut être médecin, docteur, chirurgien, il doit faire des études. Il ne va pas rentrer chez lui, lire des livres, faire des recherches sur internet et خلاص, ça devient un médecin. Abadan. Il est obligé d'avoir certains diplômes, il est obligé d'avoir étudié, il est obligé d'avoir un certain cursus, certaines années, hatta il est accepté. Ma fil ilm al-an, tout le monde parle, tout le monde rajah, fil jarh wa ta'dil hadith wa la haraj, ce qu'il se passe. Tout ça pourquoi? Les an, certaines personnes, elles ne sont pas à leur place. Et ça fait des fitanes. Qala, wa huwa khatarun ala nafsihi wa khatarun ala nas. لأنه يتلاعب بدين الله عز وجل لو خرج واحد على الناس وقال. C'est ça l'exemple que je vous ai dit. فتأملوا. Si une personne elle dit, Cheikh Fawzan يقول, قال أنا طبيب, أنا دكتور, أنا أعالج وهو ما معه شهادات طبية, ما معه شهادات طبية. Il prétend que c'est un docteur et il n'a pas étudié, il n'a aucun diplôme, personne sait d'où il vient, personne ne sait ce qu'elle a, et cette soi-disant science, d'où il l'a prise. قال شيخ الفوزان هل يمكن من العلاج. Est-ce que هذا, on va l'autoriser à intervenir sur des patients? On ne parle pas d'opération, une simple visite, on n'acceptera pas. قال هل يمكن من الجراحة وشق البطون, شق بطون الناس والعمليات وإجراء العملية في القلب. Est-ce qu'on va l'autoriser à faire des opérations, que ce soit le ventre, que ce soit le cœur, que ce soit autre? قال شيخ الفوزان ما يمكن هذا لأن هذا خطر on l'autorisera jamais. Est-ce que ton enfant ou un de tes parents ou ton frère ou ta sœur, est-ce que tu vas laisser ce docteur intervenir si elle est malade ou si elle est malade? Là, pourquoi? Léna, tu sais qu'il y a un danger. Fait haqiqa, le danger il est dans, il est lié à sa santé. Faqat amma dhak, le danger il est par rapport au din. Qala فكيف يمكن هذا المتعالم يتلاعب بالدين؟ Comment on va laisser هؤلاء ils jouent avec notre din? Wallahi, بعضهم leur but c'est que d'être suivi. Surtout avec le musiba, un des réseaux sociaux, واحد veut des vues, واحد veut des abonnés, qu'il y a une concurrence, qu'il y a, c'est du sport. C'est pas ça le din. سيأتي يوم القيامة نبي وليس معه أحد. Comme dans le hadith Ibn Abbas, يوم القيامة نبي viendra et il n'y aura personne qui l'a suivi. Est-ce que ça va lui faire du mal? La tadhan akhi al-karim anna les abonnés yanfa'uk ou anna les vues ça va t'élever. Les vues c'est pas des hasanat. Wallah, il y en a ils regardent c'est rien que pour se moquer. Il y en a ils regardent c'est rien que par curiosité. Oublie pas que Allah subhanahu wa ta'ala il te voit. La tubali bin nas. J'ai des vues ou j'ai pas de vues. Aham shay c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il est bien tout chose alim. Et s'il est satisfait de toi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات. بعضهم يغنتخ dans des choses. والله يبارل avant أهل العلم. يبارل avant طلبة العلم. Pour soi-disant défendre cette da'wa, والله يفون que du mal. À eux-mêmes et aux autres. اتق الله. يوم القيامة aura des comptes à rendre. الآن c'est une da'wa عظيمة. Des gens, ils ont perdu leur vie pour cette da'wa. Des mashayikh, ça fait des années, ils font des efforts. واحد vient sur ces réseaux. Et toute la journée, comme un journaliste. Un jahil. Wallahi, ba'duhum, ils ne savent pas parler al-arabiyya. Ba'duhum, la yahfad shi min al-Qur'an. Et tu les trouves toute la journée. Ya akhi, tu fais du mal. Al-haqiqa, ha'oula, qu'est-ce qu'ils veulent? La da'wa, tu n'as pas la capacité. Al-ilm, tafaddal. Apprends. Tu les trouves là. Qu'est-ce qu'ils veulent? Al-shuhra. Ce qu'ils veulent, c'est, ba'duhum, c'est être connu, être en avant. Al-hadra min hada, c'est du din. Qala, Cheikh al-Fawzan. فكيف يمكن هذا المتعالم يتلاعب بالدين التلاعب بالدين أشد من التلاعب بالأبدان بعضهم ربما pour de l'argent ou autre va faire croire que c'est un médecin et il va faire du mal aux gens, va faire du mal. أما هذا il fait du mal au din لأن الناس ils lui font confiance. لأن الآن on vit à une époque خاصة الجهال qu'ont jamais assisté aux assises de أهل العلم. Le premier qui voit dans les réseaux sociaux, il juge par rapport aux vues et aux abonnés. Et il va les suivre. Il va aux uns, il met la parole d'un autre, un jahil. Il ne sait même pas c'est qui, il la met au même niveau. Si ce n'est pas plus. Et c'est ça qui fait des fitnes. Les anasi, haoula al-juhal, ils se tairaient. Wallahi, kathir min al-fitan, elles seraient éteintes. Les anas al-kalam, quand ils restent entre ahli al-ilm, c'est beaucoup plus facile. Les anas al-ulama, ils parlent bi-ilm. Même s'il y a quelque chose, ربما cette histoire elle est réglée bi'ilm. Amma al-jahl la, des rumeurs, thumma Allah a'lam qui c'est qui parle, et ça fait ce que ça fait. Qala fayajib ala ha'ula nasiha al-an. Fayajib ala ha'ula an yattaqu Allah wa an la yaqulu ala Allah bighayri 'ilm. Fa inna Allah jalla wa ala ja'ala al-qawl 'alayhi bighayri 'ilm fawqa ash-shirk. Allah subhanahu wa ta'ala il a cité ash-shirk. Et il a cité le qawl alayhi bi ghayri ilm dans le même verset. Ça te montre la gravité de hada. Celui qui parle fi din illahi azza wa jal et il n'a pas de délit. Ou il mélange tout. Ou il fait une erreur, deux erreurs, il est conseillé, il continue. Hada, il parle ala Allah bila ilm. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi. Et il yaqul anna celui qui parle fi din illahi bila ilm kana kadiban. Walaw, s'il n'a pas fait volontairement. Pourquoi? L'an, c'est du din. Wallahi, celui qui parle au marché, il vend des légumes, il parle bila ilm, annahu, il n'a pas le droit. Les gens, ils veulent acheter, ils achètent des choses. Celui qui vend, il doit parler bila ilm. Il ne doit pas mentir, il doit citer, matalan, d'où elle vient, d'où ils viennent ces légumes. Il a akhiré muhim, il doit parler bila ilm. Si ce n'est pas, il dit Allah alim. Amma l'an, c'est du din, illahi azza wa jal. العلماء ورثة الأنبياء سعلم سلغتاج النبي صلى الله عليه وسلم فالسلوي يرون في هذا يتق الله سبحانه وتعالى أما الآن partout surtout avec le مصيبة de ces téléphones de ces réseaux Tout le monde parle. T'as t'essayes de faire taire Hada, t'essayes de conseiller Hada, t'essayes de calmer Hada. Tout le monde, au lieu de faire da'wa, rien que pour calmer Haoula. Tout ça pourquoi? Faut qu'on se remette en question, ya ikhwan. Pourquoi Hada? Pourquoi les ulama ils sont là? Pourquoi talabat l'ilm ils ont été étudiés عند l'ulama? Que pour revenir ila Haoula. Qala, il a cité le verset, قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنْ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ السُّلْطَانَ. Il a cité le shirk. Allah subhanahu wa ta'ala, il cite des choses haram. إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ. الْفَوَاحِش. Allah, il a interdit tout ce qui est fahisha, les choses comme zina, comme le mensonge, etc. قال وَأَنْ تُشْرِكُ بِاللَّهِ. الشرك كذلك. C'est le plus grave des péchés. ثم à la fin du verset قال عز وجل وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Maintenant, quand tu parles في دين الله عز وجل, tu parles في الدين دين الله عز وجل. Donc tu vas dire des choses que Allah subhanahu wa ta'ala il a pas légiféré. Maintenant, cette chose c'est مشروع alors que Allah il l'a pas légiféré. وحد dit si parle بلا علم. Il aura des comptes à rendre au القيامة. Il y en a celui qui entend cette personne, il pense que c'est vraiment ça dit. قال فيجب على هؤلاء أن يتقوا الله وأن يتعلموا أولا ومن تقوى الله أن الإنسان سيسيبا يسكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا من الإيمان من التقوى. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. Le premier hadith, l'Iman. Le deuxième hadith, l'Islam. Ça te montre que c'est des choses importantes. Celui qui ne sait pas, il se tait. Est-ce que tu es responsable des gens? Ils ont une bonne niya. Et il se dit, lakin, il faut que je parle aux égarés. Il va égarer un tel, il faut que je montre. Il y en a, ils se sentent responsables. Qui c'est qui t'a donné cette responsabilité? Tu n'es pas responsable. Innaka la tahdi man ahbabt. Tu montres si tu as l'ilm. Tu n'as pas l'ilm. Allah subhanahu wa ta'ala, il est arham bi'ibadihi. À vouloir guider tout le monde, vouloir montrer à tout le monde et s'exposer alors qu'on n'a pas d'ilm, hada c'est khatir. C'est comme une bougie. La bougie, elle illumine et elle se brûle elle-même. Tu profites un taïel, elle se fait du mal. Et veut montrer aux autres, il se fait du mal. Et c'est pas comme une bougie. La bougie, elle donne la lumière. Ou elle donne que du shara et des fitan. Il serait comme la bougie là, ben, s'il éclairerait un peu. Pourquoi les annal jahl? Et le système, ce système des réseaux sociaux, c'est pour votre bien. Wallahi, c'est une shurla anil ilm. Et c'est des fitan. Et c'est du fasad. Al-du'at il Allah, ils s'en servent que pour propager le khayr. Lakin, wallahi, c'est comme une énorme déchetterie. Mazbala. Et il y a un petit peu de khayr. Celui qui veut. Falihada, al-ulama, al-du'at il Allah, ils essayent de propager un peu de khayr dans cette déchetterie. Wa illa, wallahi, c'est du shar. النصيحه سيك الاخوان يطلبون العلم عند العلماء سي بي اي سي بيف با يجتهدون في العباده اي زيكوت سكي بيف كوم دروس سكي بيف لير اي دومون اي لو زوم السكينه سي مهم. اما سو سيستم سي كوم لي سبورتيف كوم لي ستار اي سون دون سو سيستم لي ريزو سوسيو الشهره هذا اي انسولت هذا هذا اي فوز ديفوند هذا اي بروبار. نحن سي با سا, نحن سي دو دين. والله ان كون دا عالم او دا طالب علم اي لي مستفيد il suffit. Ou les sites de nos savants, il y a que fille. Tout le monde parle, tout le monde veut montrer. Fahada, ça fait du char. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yahdi al-jami' wa naktafi bihada. Subhanak Allahumma hamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.